T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le câble télédistribution dans les packs, dans les offres en Belgique, notamment sur Voo et Proximus. Et puis sur internet, sur le site RGL ou le site de Planète Indie, www.ilovemusic.ga. Nous sommes ensemble pour une heure et demie de découverte musicale, le meilleur de la musique alternative, le meilleur de la musique indépendante. Et puis on a quelques gros dossiers aujourd'hui encore à discuter avec vous. Alors je vous ferai un petit débriefing sur le festival du film de Mons. On parlera du prochain festival du film de Luxembourg qui va venir. Et puis si on a le temps, on parlera aussi un petit peu bande dessinée. Voilà, le temps de terminer les derniers réglages, on va commencer tout de suite en musique avec les Transistors, c'est une nouveauté, on les écoutera avec Under Control, mais on va commencer donc avant cela avec le groupe Brass Phantoms, et eux on les a déjà entendus le mois dernier, et on les réécoute avec ce morceau Indigo. Bon début de soirée, enfin bonne fin d'après-midi plutôt, parce que le début de soirée maintenant qu'il commence à faire clair un peu plus longtemps, ça fait pas de tort, donc on va pas parler de soirée, on va parler d'après-midi. Place à la musique. Bonne découverte. Make more the test and lecture. Hesitate by your specter. Cynical thoughts. Cynical thoughts. You all recognize. You all recognize. You all recognize. The problem isn't here. Les Transistors Under Control, avant cela Brass Indigo et Brass Phantoms pardon, avec le morceau Indigo. Vous avez peut-être remarqué l'introduction du morceau des Transistors, c'était un enregistrement de, vous savez, quand on écoutait encore la radio sur les postes de radio justement, et on recherchait la bonne fréquence. Maintenant il semblerait eh bien que la consommation de radio eh bien a quelque peu changé. On serait curieux de savoir, vous, comment vous nous écoutez, ce que vous faites pendant que vous écoutez Planet Indie, si vous nous écoutez via Internet, via la radio standard, dans la voiture. Faites-nous savoir, ça nous intéresse, le numéro de téléphone 26 54 00 44. Ou alors, vous nous rejoignez sur Facebook, le groupe s'appelle Planet Indie, et puis vous pouvez nous faire coucou, nous faire part de vos commentaires sur la programmation musicale, si elle vous plaît ou si elle vous plaît moins, ou ce que vous voudriez écouter. On poursuit avec une autre nouveauté, le groupe s'appelle Les Complaints, et ils nous interprètent le morceau Talk To Me. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait de faire, parlez-nous, dites-nous comment vous nous écoutez. She knows something that she won't tell me. I know things I can't believe. Like a dream, struggling just to breathe. How can it be? Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Gerard. Hi, I'm Diane Mink from Albuquerque, New Mexico, USA. I'd like to congratulate Planet Indie on their 20th anniversary. Thank you. Elle s'appelle Maya Wynn, elle a une voix merveilleuse et elle nous a interprété le morceau Sleep. Ben, ne vous endormez pas encore, hein. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h30. Il sera encore temps de s'endormir à ce moment-là. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay. Si vous étiez avec nous le mois dernier, eh bien, vous avez deviné qu'on va aller du côté de la Suède et on écoutera trois titre d'un album dont on a écouté un autre extrait le mois dernier. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est les Plastic Pulse. Voilà, c'est eux qu'on va écouter aujourd'hui comme powerplay. Et avant cela, on écoute le Whispering Tree. You're a fat cat. Avec Fat Cat. That's what they call you, the hateful masses who don't understand you with their sweaty hands outstretched towards you. You don't owe them anything at all. It's survival of the fittest, and you are the king. That's the way it is, and how it's always been. You didn't make the game, but you're gonna play it, and you're gonna win. How do you sleep? How do you sleep? In your tower on your satin sheet. Sweet, sweet and deep. There are documents and lawyers to separate you from the things that go on down there. Somewhere beneath you, so far away, it could never reach you. You're safe here, your hands are clean. Yeah, the law's on your side. When you own the lawmakers, you pay good money for movers and shakers, friends in high places to get it done. It's just commerce, it can't be wrong. How do you sleep? How do you sleep? In your tower on your satin sheet. Sweet, sweet and deep. They call you, but deep down you know adore you. People toast your name, pull out your chair. They know what you've done, but they don't care. Yeah, you're well loved and respected, well spoken, well connected with your shiny cars, your suit and tie. But if I met you in the jungle, you'd eat me alive. How do you sleep? How do you sleep in your tower on your satin sheets? Sweet, sweet and deep. Oh, how do you sleep? How do you sleep in your tower on your satin sheets? Sweet, sweet and deep. High above the mess that you made. High above the mess that you made. High above the mess that you made. So high above the mess that you made. Voilà, jusqu'à la dernière note, hein, les Whispering Tree. Avec Fat Cat, à propos de Cat, oui, il y avait aussi la comédie musicale Cats qui est venue jouer pendant plusieurs soirées consécutives à la Rocale à Esch sur Alzette. J'espère que vous avez été voir parce qu'on vous l'a conseillé. C'était un très beau spectacle. Pour l'heure, nous, il est 17h22. Il est temps de passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous l'ai dit donc il y a 3 minutes. On va aller en Suède du côté des Plastic Pals. C'est un groupe qui, je vais vous traduire au vol l'introduction qu'ils mettent dans leur propre biographie. Alors ils disent après avoir dérivé pendant 1 million d'années de galaxie en galaxie dans l'espace, et bien finalement ce qui reste du brassin de vos amis de plastique avec qui il est plaisant de se trouver ou qui sont oui c'est ça. Eh bien, ce qu'il en reste, eh bien, vient de retourner sur sa terre natale et viennent d'établir leur base permanente à Stockholm, en Suède. C'est là qu'ils ont choisi de rester parmi tous les autres endroits de l'univers qu'ils ont visités. Voilà, ils disent après qu'il c'est un quatuor de rock garage psychédélique. Bah oui, effectivement, psychédélique, quand on lit tout ça, il n'y a pas à en douter. Ce groupe, eh bien, s'est formé au printemps 2005 avec comme pièce centrale Hakan Sold, alias Hawk, pour ceux qui sont plus intimes, qui est le chanteur, le compositeur et le guitariste. Il a amené avec lui Anders Salin, qui est aussi un autre guitariste avec lequel Hawk eh bien, a joué dans le groupe Piglet dans les années 80. Et puis ils ont été rejoints par un autre duo, la réponse suédoise à Sly and Robbie, à savoir Olof Högqvist aux percussions et Bengt Alm à la basse. Alors ils disent qu'il faut prendre des guitares farouches, des guitares comme celles qu'on trouve dans les groupes Flaming Groovies, The Dream Syndicate. On ajoute un petit peu de Lou Reed et du Velvet Underground, quelques touches de mélodie magique avec un côté sombre. On fait bouillir tout ça, on met un peu de basse groovy et des percussions de la basse, on mélange bien et tout ça, eh bien, ça nous donne le meilleur du rock'n'roll. Eh bien, vous allez pouvoir découvrir ce qu'il en est de ce meilleur du rock'n'roll avec un extrait de leur tout nouvel album. Il est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai pas la date exacte. En tout cas, l'album s'appelle Psychic Reader, il contient 10 morceaux et nous on va écouter la plage numéro 8 qui nous dit Timing is everything. Bah oui, le timing ça fait tout, surtout dans le monde de la radio. C'est les Plastic Pals et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. I'm counting down the hours, I'm checking off the days. Soon we'll be home thing. You ask me, is this all there is to find? Look around you, honey, there's still a glorious pile. Butterfly stays with her feet, and bullfrogs never sleep. So call me, baby, let me give me some more. What's behind the green door? Timing is everything. Elephants. Crazy collect enough balloons. It's high noon. We're glancing at the moon. It's tea time soon. Did you get enough balloons? C'était le groupe Smokefish, on les écoutait avec le morceau Insane Inside, complètement fou à l'intérieur. On va poursuivre en musique et retourner sur notre album Powerplay. Avant cela, eh bien, je vais vous faire un petit débriefing rapide, puisque si vous nous êtes fidèles, vous savez que, et on en a parlé un tout petit peu le mois dernier, s'est tenu il y a peu le festival du film de Mons, après une année d'interruption due à des, on va dire, des événements extra cinématographiques. Donc, reprise de la formule du festival, ils ont laissé tomber le mot amour dans l'intitulé du film, mais bon, le thème est toujours bien central. Et alors, je veux juste épingler parmi les différentes projections que j'ai eu l'occasion de voir, eh bien, deux films, un coup de cœur et un autre, c'est plutôt un coup de semonce, je devrais dire. Alors, mon coup de cœur, c'est un film belge, ça s'appelle Duel. Ça se passe dans les années 60, dans la banlieue de Bruxelles, où on fait connaissance avec Alice et Céline, qui vivent là avec leur famille. Ce sont les meilleurs amis du monde, jusqu'au jour où survient un événement tragique qui vient bouleverser leur univers quotidien. C'est un drame, c'est un thriller aussi. Donc j'espère qu'il va sortir dans la région. Il y a notamment l'actrice Verle Battens qui est éblouissante et magnifique, surtout à la mode des années 60, qui joue le rôle principal de ce film. Ça, c'était mon coup de cœur. Et alors, j'ai eu un coup de cœur, mais pour un film un peu coup de poing, coup de semonce. Ça s'appelle Pili. Ça raconte la vie donc de Pili, qui vit dans la campagne tanzanienne. Elle travaille dans les champs. Elle gagne moins de 2 $ par jour et elle doit nourrir ses 2 enfants qu'elle élève toute seule. Mais en plus de ça, eh bien, elle est séropositive et elle essaye de le cacher à tout le monde. Elle a envie de changer de vie et quand elle apprend qu'un petit kiosque, une échoppe se libère sur le marché, elle voit là eh bien, une lueur d'espoir. Par contre, le propriétaire ne lui laisse que 2 jours pour réunir l'argent nécessaire pour qu'il lui attribue à elle ce kiosque, cet étal. Donc elle va devoir prendre des conséquences et on va voir dans ce film eh bien, jusqu'où elle peut aller pour eh bien, aller vers une vie meilleure. C'est vraiment un film coup de poing. A priori, moi je n'étais pas spécialement attiré par ce film, mais une fois qu'on rentre dedans, eh bien, ça permet de comprendre pas mal de choses. Je ne sais pas si ce film va sortir ici, en tout cas c'est du cinéma d'auteur et à mon avis ça va rester confidentiel, mais si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Je vous rappelle donc, ce film s'appelle Pili, c'est un film tourné en Grande-Bretagne et en Tanzanie. Allez, retour à la musique avec Bright Garden et un morceau qui s'appelle Love. Bah oui, en parlant du film d'amour de Mons, c'est une transition toute faite. Et puis après, on écoutera une autre nouveauté avec les Bagatelles et The Lightning Never Strikes in the Same Place Twice. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. We'll be right back. time one day will be, and the sorrowful joy our mind will see. I'm so happy today, these times are great. pense qu'on ne les a pas encore écoutés dans cette émission. Il s'agit du groupe The Bagatelles, The Lightning Never Strikes in the Same Place Twice. Avant cela donc, les Bright Garden et Love. D'ici quelques minutes, eh bien, on va retourner, si vous le voulez bien, sur notre album Powerplay. On ira du côté de la Suède avec cet album de Psychic Reader des Plastic Poles. Eh bien, avant cela, je vous propose d'écouter encore un autre morceau. C'est une nouveauté, cet extrait. Le groupe s'appelle No More Winters, plus d'hiver. Bah oui, c'est vrai que l'hiver, pour l'instant, il nous semble bien loin, même si la météo s'est un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, il faut être honnête, c'est un tout petit peu dégradé ces derniers jours par rapport à ce qu'on a eu. On va quand même pas se plaindre. C'est un groupe français qui vient de sortir un EP 5 titres et on en écoute donc un premier extrait, c'est la plage numéro 4 et ça s'appelle Can't Feel the Rain. Je ne peux plus blairer, je ne peux plus supporter la pluie. Alors, ça y est. Can't Feel the Rain, No More Winters, une nouveauté dans Planète Indie. Allez, retour sur notre album Powerplay, l'album Psychic Reader des Plastic Poles. Il s'agit de leur troisième album et sur cet album, eh bien, le groupe flirte allègrement avec le glam, le ska, le rock et la soul funk des années 70. Mais en tout état de cause, eh bien, ce groupe reste fidèle à sa marque de fabrique, à savoir simplement deux guitares, une percussion et une basse. Et ils continuent à puiser de façon principale leur inspiration dans le rock CBGB des années 70. Alors, pour ceux que ça intéresse, CBGB, c'était un club underground de New York se présente essentiellement comme le berceau principal de la naissance du rock indépendant. Donc voilà, on disait que leur inspiration était le rock des années 70 avec un peu de power pop, de psychédélia et de soul larmoyante. Dans la première présentation tout à l'heure, eh bien, je vous avais expliqué qu'ils avaient voyagé de galaxie en galaxie et qu'ils étaient venus se rétablir en Suède, à Stockholm. Eh bien, au cours de leur pérégrination, ils ont, embarqué sur leur vaisseau des personnalités qui venaient de différents horizons, notamment géographiques, puisqu'ils ont des invités sur cet album, notamment Jonathan Siegel, qui est le violoniste du groupe Camper van Beethoven, la chanteuse polynésienne, elle est moitié polynésienne, moitié suédoise, Tia Hellberg. Ils ont aussi invité Peter Forsman, qui a joué notamment avec le groupe Into Deep Water, et puis le claviériste italien Francesco Bonfiglio, qui joue aussi notamment avec le groupe Lowlands. Et puis ils ont invité aussi, comme sur leur album précédent, aussi au clavier, Chris Chakavas du groupe Green on Red. Leur chanson, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, il y en avait 10, eh bien, elles racontent des histoires de leur visite à Londres et à New York, des amis perdus, de l'amour et puis du fait qu'ils ont ou pas rencontré la chance. Je vous ai mis aussi une vidéo sur notre groupe Facebook, la vidéo d'un morceau qui s'appelle Riding with Elvis, qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, mais comme ça vous découvrez un autre morceau et nous on va écouter cette fois-ci Cat on a Hot Tin Roof. Bah oui, ils revisitent à leur façon aussi, eh bien, le chef-d'œuvre de Tennessee Williams. Psychic Reader, c'est le nom de l'album, et le groupe, c'est les Plastic Poles, et c'est notre Power Play aujourd'hui dans Planet Indie. Power Play. Power Play. Sour. It ain't easy to hold each other.

this will never go away. Voilà, quand on écoute l'introduction de ce morceau de Ledon Robinson, on ne s'attend pas à ce que ça dépote comme ça. Le morceau s'intitule Deepness. Si vous êtes avec nous depuis 17h, eh bien, félicitations, bravo. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous écoutez Planet Indie, comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL. Je vous rappelle que nous serons rediffusés demain aux mêmes heures et sur cette même fréquence. Et puis, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet dès ce soir, www.ilovemusic.ga. Si je faisais référence au début de l'émission, c'était parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai dit que si on avait le temps, on allait parler BD. C'est un projet que je mets en route tout doucement pour cette année, pour vous proposer aussi, comme vous le savez, donc on, Planet Indie, c'est plus seulement de la musique, on parle de cinéma, on va essayer maintenant de parler de bande dessinée. Je voudrais bien faire une petite capsule eh bien, chaque mois et vous parler un peu de BD. Bah oui, suite à ma visite à Angoulême, je vais essayer de faire bouger un peu les choses de ce côté-là. Ce qu'on va faire, c'est le mois prochain, je vous parlerai d'une bande dessinée qui s'appelle The Golden Pass, qui raconte la vie d'une cascadeuse de kung-fu. Ça, je vous en parlerai donc le mois prochain. Laissez-moi le temps de terminer le livre et de préparer un peu ça. Donc ça, c'est un petit teasing pour vous donner rendez-vous le mois prochain. C'est sorti aux éditions Ankama. Et puis, je fais une petite brève, puisque ce mois-ci, fin du mois notamment, nos amis anglais vont nous quitter, puisqu'il le Brexit devrait se passer le 30 ou 31 mars. Je crois que c'est le 30 à 23h, heure de Luxembourg. Et alors, les éditions Dupuis sortent une édition spéciale de Spirou, du magazine Spirou de ce mercredi. C'est le numéro 4221. Ça coûte 2,50€. C'est une édition spéciale Brexit or not Brexit. Il y a 52 pages d'histoire courte qui tournent autour du Brexit. Si vous n'avez pas encore compris ce qui va se passer, eh bien, allez voir. Ça vous éclairera un petit peu. Allez, on poursuit en musique avec, je pense que c'est une autre nouveauté. Le groupe Pictures et Love the Shooting Gun. Hold me now and take me to the sun. Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. In the middle of the night, sounds like they're hungry, and again it sounds like a fight. Sounds like they hate one another, and they hate me and you. You can hear it in the wind, you can hear it in the music too. Hands to the mercy beat. I see you follow me, I'll follow you anywhere. On the killing floor, all the way to the county fair. You got blood rage through, blood rage through. Blood red shoe. I go sha la la la la la la la la sha la la la la la la la la sha la la la la la. Thank you. J'adore véritablement ce morceau, hein. Ça s'appelle Blood Red Shoes, c'est tiré d'un album qui s'appelle quant à lui Dorado, et là pour les fidèles, eh bien, ça devrait déjà quelque part faire tilt, puisque l'album Dorado, je vous en ai parlé en long et en large à l'époque quand on a écouté comme powerplay The Late Show du groupe Son of the Velvet Rat, qui reprenait eh bien, plusieurs chansons de cet album Dorado. Eh bien, là, on était dans les versions originales avec Blood Red Shoes par le groupe Son of the Velvet Rat. J'adore vraiment cette chanson. Alors, d'ici quelques jours, ça commence jeudi soir, va se tenir la 9e édition du festival Luxfilm Fest, c'est-à-dire le festival du film de la ville de Luxembourg. Ça commence avec la cérémonie d'ouverture jeudi soir et ça se terminera le 17 mars. Ça va être une édition fantastique, je pense. Il y a avec pas mal d'avant-premières, avec des invités, beaucoup d'événements aussi qui vont se passer. Il y aura bien sûr une compétition officielle. Alors là, j'ai fait un petit peu mon shopping. Je vous conseille plusieurs films. Alors tout d'abord, The Realm. C'est aussi un thriller politique, on va dire. Ainsi que le film Rojo. The Realm, c'est un film espagnol, tandis que Roro, eh bien, c'est un film argentin, si je ne m'abuse. Dans la compétition officielle, je vous conseille aussi Les Oiseaux de Passage, Birds of Passage. De nouveau, ce sera en espagnol, puisque c'est un film colombien. Il y aura aussi à découvrir Firecrackers ou The Man Who Surprised Everyone. Là, je vais vous dire le pitch parce que c'est intéressant. C'est l'histoire d'Egor qui est garde forestier en Sibérie et qui découvre eh bien, qu'il ne lui reste plus que 2 mois à vivre. Il est inspiré par un conte populaire, alors il se déguise, il se travestit dans une tentative désespérée de tromper la mort à la plus grande consternation de sa famille et de toute sa communauté. Bah oui, il espère que, une fois déguisé, la mort ne va plus le reconnaître et donc il va pouvoir prolonger un peu plus loin que 2 mois son espérance de vie. Il y aura bien sûr aussi une compétition documentaire avec aussi des choses intéressantes. Il y a notamment l'histoire d'un chasseur de fantômes qui fait ça à mi-temps. Le film s'appelle Ghost Hunter. Ou bien un film ukrainien qui s'appelle Home Games et qui suit Alina, qui est footballeuse dans la seule équipe féminine de Kiev. Quoi d'autre à vous signaler ? Il y aura bien entendu des séances jeunes publics. Il y aura bien sûr les films faits au ou en collaboration avec le Luxembourg. Et là, j'ai pointé les films suivants. Petrus de Max Jacobi. Le film Angelo ou le film encore California Dreaming. Il y aura aussi un workshop, un atelier qui va analyser en profondeur le film Seven. Ça se passera le 14 mars entre 18h30 et 22h avec Boyd Van Hooy qui vient pratiquement tous les ans. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait partie du jury de programmation du festival. Quoi d'autre à vous signaler ? Bah oui, il y aura aussi des événements hors les murs, comme ça s'appelle, et une sélection officielle hors compétition. Et notamment, là, vous pourrez voir Greta ou Gloria Bell. Gloria Bell, ce sera le film qui sera projeté lors de la séance d'ouverture. Le quartier général du festival, eh bien, c'est comme depuis quelques années au Casino Luxembourg, le Forum d'art contemporain. Il y aura aussi pas mal de manifestations qui se tiendront là, et notamment le pavillon réalité virtuelle qui se tiendra là avec une session le 10 mars. Ça sera entre 11h30 et 18h30, une session virtually art, où vous pourrez eh bien essayer la peinture et la sculpture en réalité virtuelle avec le logiciel Tilt Brush. Au pavillon, au quartier général, eh bien, moi j'ai pointé aussi le 14 du 3, l'afterwork film réacteur, la cérémonie des films réacteurs. Malheureusement, ça se passe au même moment que eh bien, l'analyse du film Seven, donc il va falloir choisir. Les places seront peut-être un peu plus faciles à obtenir pour l'afterwork. En plus, il y a un drink, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Alors, quoi d'autre à vous signaler parmi les événements ? Ben, il y en a tellement, on ne peut pas tout parler de tout, mais bon, il y aura un concert de musique de film le temps de midi, ça se passera le 8, donc ça doit être vendredi prochain, c'est cela. à l'église protestante entre 12h30 et 13h30. Et puis la venue aussi de deux critiques de cinéma, Rudy Léoné et Hugues Daillé, qui présentent une soirée Critique on Demand Live. C'est une séance très spéciale, vous verrez. Et ça, ce sera ça se passera à la Cinémathèque le 15 mars à 20h. Et puis il y a les soirées, la closing party, enfin il y a pas mal de choses. Moi je vous invite à prendre un pass, ça coûte 30 euros, ça vous donne accès à tous les films. Sinon, eh bien, le prix au billet c'est 7 euros. Vous pouvez acheter bien entendu votre ticket en ligne, www.luxfilmfest.lu pour l'ensemble de la programmation et les informations complémentaires. Et puis les projections se font essentiellement à la Cinémathèque, au Cinéutopia et aussi au Kinépolis. Et puis bon, évidemment, il y a la participation d'autres lieux comme le MUDAM ou l'Abbaye Neumünster pour certains événements. Donc nous, on y sera bien entendu comme tous les ans. Ça fait une paire d'années qu'on vous parle de ce festival. Voilà, c'était le gros dossier du jour. Allez, on poursuit en musique avec Steve Future et un morceau qui s'intitule Future Kids. I have walked around, try to figure out what to do. Can you help me? Belongs to us all. It's time for a change. We will protect it from you greedy scheme sheet folk. I want the future kids to help us all. I wish the earth to survive and give the people hope. Ladybug, fish and bee, birds are few, we need. Some are small and some are tall. Mosquitoes is dead in the fall. I want the future kids to help us all. I wish the earth to survive, to give the people crazy train. It's no use to steal from you, because you are the biggest of them all, making money on diseases and war. You will send taxmen to me to make me please. I want the future kids to help us all. I wish the earth to survive, to give Ladybug, fish and bee, birds of you, we in need. Some are small, some are tall, mosquitoes get dead in the fall. I want the future kids to help us all. I wish the earth to survive and give people Ça sonne, c'est pas chez nous. 18h21, le temps passe, c'est affreux. On doit encore écouter un troisième extrait du groupe Plastic Pals avec Psychic Reader. Eh bien, on va le faire tout de suite. Je vous ai dit que c'était leur troisième album. Ils ont reçu pas mal de bons commentaires en Suède, dans leur pays natal, aussi bien qu'en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou en Italie. Ils ont été pas mal joués. Ils ont fait une tournée, ils ont joué aussi à Londres et à New York. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre ? Ils ont ouvert notamment pour les groupes de Dream Syndicate, pour Dan Stewart de Green on Red, pour Chris Cavacas de Green on Red aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi ? Et aussi pour les New Christ, le groupe de rock garage australien. Leur page internet www.theplasticpals.se. Et puis n'oubliez pas la vidéo, je vous ai mis sur notre page Facebook. On va écouter le morceau Clerkenwell qui fait référence à ce quartier londonien. Allez, je me tais parce qu'on n'est pas à l'avance aujourd'hui. Play. I'm going back to Clerkenwell. The gang is there and them again. I'm going back to Clerkenwell. It's been a long, long time. Band is sound checking at the apple tree. Baby's time to come down and meet the folks. Clerkenwell, the gang is there and them again. I'm going back to Clerkenwell, it's been a long, long time. Just round the corner from Saffron Hill. Clerkenwell, the gang is there and them again. I'm going back to Clerkenwell, it's been a long, long time. Clerkenwell, the gang is there and them again. I'm going back to Clerkenwell, it's been a long, long time. I'm going back to Clerkenwell, the gang is there and them again. I'm going back to Clerkenwell, it's been a long, long time. I'm going back to Clerkenwell, it's been a long, long time. It's been a long, long time. I'm going back to Clerkenwell. It's been a long, long time. I'm going back to Clerkenwell. It's been a long, long time. Monkeys died in a coconut tree, hanging around, if you know what I mean. Said one of these monkeys, now listen, you two. There are certain rumors that just can't be true. he would never go beating his wife, starving her children or ruining their lives. And you ever heard of a mother monkey leaving her children alone and in need? Would a monkey forget pure selfish greed, build a tall fence round a coconut tree, sit and watch as the fruits of the gods go to waste, not giving his brothers one single taste? If I build a fence, it would be plain to see you would soon see you stealing from me. C'est un très beau morceau, c'est une très belle voix. Je suis désolé, il faut la couper un petit peu parce qu'on arrive tout doucement au bout. Elle s'appelle Clémentine et le morceau s'appelle From Monkey to Man. Mais je vous garantis, on le réécoutera le mois prochain, c'est garanti et en entier. Pour l'heure, on va tout doucement se quitter avec un autre morceau instrumental, AB Trio, Los Plazos del Patron. Comme c'est un instrumental, j'en profite pour vous passer en revue un peu à toute vitesse le programme de la Rocale. Demain c'est Chili Gonzalez, ça se passera à la Philharmonie. Le concert de Blanche du 5 est annulé. Le 6 de Tallest Man on Earth, le 7 de Blaze, le 9 il y aura l'avenue d'Alice on the Roof. Le 10, annulation du concert pour le concert Disney avec Ariel. Ainsi que la nuit avec James Bond du 10 aussi, c'est annulé. Le 13, c'est le Grund Club Songwriters Show. Le 15, c'est Luxembourg Video Clip Night. C'est dans le cadre du festival du film, évidemment. Le 15 aussi, il y a MoFest. Le 16, Zaz. Le 18, Frank Carter and the Rattlesnakes. Le 19, Postmodern Jukebox. Le 20, Nicki Minaj. Le 22, Seed to Tree avec Proportion. L'album release Proportion. Le 23, Therapy Taxi. Le 24, Marty Friedman. Le 25, Alice Merton. Le 26, Kelvin Volt. Le 27, The Neil Morse Band. Le 30, Chaka Punk. Le 31, c'est la foire au disque. Et puis le 2 avril, notez aussi, c'est Hoover Phonique. Voilà, désolé, c'est un peu à la bourre. On se quitte donc avec ce morceau un peu plus jazzy, ça change un petit peu. Et puis je vous retrouve le mois prochain. Donc ce sera le... j'ai pas le calendrier sous les yeux. Ce sera le 6 avril pour l'épisode numéro 407 de Planet Indie. D'ici là, passez une bonne soirée. J'étais très heureux de bien passer cette fin d'après-midi avec vous. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On se retrouve dans un mois. Et puis n'oubliez pas, cette émission est rediffusée demain, 17h-18h30, sur cette même fréquence. Et puis le podcast et la playlist de cette émission, eh bien, ils seront disponibles sur notre site internet dès ce soir, www.ilovemusic.ga. D'ici là, à bientôt. Bon week-end.